الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on est rendu aujourd'hui, on est arrivé à la partie 23 dans la lecture des fatwas du Cheikh Al-Fawzan sur les questions de manhaj. Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma. Et on est toujours dans la section où le Cheikh répond aux gens qui, en fait, c'est pas qu'il répond, mais il répond aux questions qui lui ont été posées, au sujet des gens qui font des attentats terroristes et qui font des actes de comment on appelle ça, les attentats suicides et l'explosion des bâtiments et tout ça. Et il a répondu pour répondre à ceux qui posent les questions à ce sujet-là pour expliquer que ces choses-là sont en contradiction avec l'islam. Et que ces choses-là sont contraires à l'islam. Donc maintenant, hier on a commencé à en lire quelques-unes à ce sujet-là. Puis avant de commencer, j'avais expliqué quelque chose par rapport aux règles qui sont reliées avec, comme on avait parlé la dernière fois ou l'avant-dernière fois, des conditions par rapport au djihad et tout. Et on avait mentionné qu'il faut qu'il y ait la permission du dirigeant. Et j'ai mentionné hier la réponse au sujet de quelques shubuhat de la part de ces gens-là qui appellent au djihad sans science et sans compréhension. Et il y a beaucoup d'autres shubuhat aussi à ce sujet-là de la part des gens de takfir, des gens de djihad. Et ils essaient de troubler les jeunes et les convertis et ceux qui ont peu de connaissances de l'islam en leur citant des paroles de différents savants sur certaines questions qui sont reliées aux conditions. Et certains d'entre eux, yani, le pire, c'est qu'ils essaient de faire croire aux gens qu'il n'y a aucune condition du tout, hein, pour le djihad. Aucune condition. Tu vas juste t'en aller comme ça, puis tu vas prendre tes armes ou faire n'importe quoi, et que ça, c'est correct. Hein. Et ils essaient de jouer parfois avec la distinction entre le djihad offensif et le djihad de défense pour essayer de faire croire que ce qu'ils disent est justifié. Bien entendu, comme on a expliqué dans les cours précédents, il y en a des conditions et il y a des réponses à leurs shubuhat, même si eux pensent que leurs shubuhat sont invincibles ou indestructibles. Au contraire, elles sont faibles comme les toiles de l'araignée, alhamdulillah. Et alhamdulillah, peut-être dans l'avenir, si j'ai le temps, soit qu'on fera un cours sur ce sujet-là. Il y a un livre qui est écrit par le Cheikh Bazmoul qui s'intitule Al-Muhkam wal-Mutashabih fi al-Jihad wal-Takfir. C'est un livre dans lequel il répond justement aux ambiguïtés et aux shubuhat des gens de takfir et de djihad. Et aussi également, il y a un autre livre qui s'intitule Al-Jihad, Ahkamuhu wa Dawabituhu, Wal-Hadd al-Fasil, Bainahu wa Bain al-Fawda. C'est-à-dire le djihad et les règles. La ligne qui tranche entre les règles du djihad et le chaos, hein, et le désordre que ces gens-là font. Et dans ces livres-là et dans d'autres livres également, comme il y a un cheikh également, il y a un cheikh Abdul Malik Ramadani qui a écrit également un livre à ce sujet-là, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est un livre aussi qui parle de ces choses-là. Puis il y a le cheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin al-Abbad aussi qui a écrit un livre sur ce sujet-là. Puis il y en a beaucoup d'autres en fait. Il y en a un autre livre également du Cheikh Abdul Salam al-Suhaimi aussi qui clarifie des shubuhat à ce sujet-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir peut-être? Soit que je vais faire un dars sur ce sujet-là en particulier pour répondre aux shubuhat des djihadis, ou bien qu'on va juste faire une traduction. Juste, je vais faire une traduction écrite d'un de ces livres-là, ou bien de certains chapitres dans ces livres-là pour réfuter ces shubuhat qui sont diffusés maintenant sur Internet, dans différents sites. Il y a des ignorants, il y en a parmi les gens d'égarement, qui traduisent justement de ces livres de takfiri, de djihadi, qui mettent ça sur Internet bien entendu, ils ne marquent pas leurs références, ils ne marquent pas leur nom, hein, on ne sait pas c'est qui les auteurs, et on ne sait pas d'où ils sortent, quoi que ce soit, mais c'est juste qu'ils écrivent dans le but de justifier leurs idéologies, puis d'essayer de jeter de la poudre aux yeux aux gens pour les dévier et les égarer à ce sujet-là. Donc, on aura le temps de revenir là-dessus, Inch'Allah, puis d'expliquer les clarifications des ulama qui ont été mentionnées sur les détails de ces questions-là. En attendant, donc, on va lire quelques réponses du Cheikh Al-Fawzan sur ce sujet-là. Donc, le Cheikh, il dit, premièrement, Al-Su'al, on lui a posé la question, ما قول الشرع في حدث فيما حدث بالأمس من التفجير في الرياض وهل هو جائز أم حرام؟ C'est-à-dire, quelle est la position ou la position de la charia vis-à-vis de ce qui s'est produit hier, hein, c'est-à-dire l'explosion à Riyad. C'était au moment où il y a eu l'explosion ou l'attentat à Riyad. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est haram? Et le cheikh il a répondu. Il a dit أظن جميعكم تعلمون أنه حرام. جميعكم يعلم أن هذا اعتداء وترويع للآمنين وسفك للدماء لا يجوز سفكها وإن كانت كافرة لأنها دخلت في العهد والذمة فلا يجوز الغدر بهم. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد فلا شك أن هذا حرام وهذا إجرام والعياذ بالله وهذا شر على المسلمين وإلحاد في بلاد المسلمين وإضرار بالمسلمين ومن ضار المسلمين ضاره الله فلا يجوز هذا. Donc le cheikh il répond, il dit, je crois que vous savez tous que cette chose est haram, hein? Tous, chacun d'entre vous, vous savez que ça c'est une transgression, et le fait de faire peur aux gens, hein, qui sont en sécurité et en paix, donc ça transmet la crainte et la peur, hein, et c'est ça le terrorisme, c'est de semer la terreur, de faire peur aux gens et de faire couler le sang, et ça c'est du sang qu'il n'est pas permis de faire couler, même si ce sont des koufars, ou même si ça c'est les victimes sont des koufars, parce que ces koufars sont rentrés dans le pays avec une entente et sous notre protection, et donc il n'est pas permis de trahir cette entente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, hein, ce hadith là est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Omar, celui qui tue un non-musulman qui est sous une entente de paix avec nous, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Et ça, c'est une menace sévère, hein, et il n'y a pas de doute là-dessus que c'est haram et que c'est un crime, hein, que Allah nous en préserve, et c'est un mal qui retombe sur les musulmans, et c'est une forme de déviation qui se produit dans les pays musulmans, hein, et il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui ramène du tort aux musulmans, et que ça fait, et tout ce qui fait, et toute personne qui fait du tort aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire du tort. Hein, donc ça c'est quelque chose qui est interdit, qui est haram, la yajouz. As-su'al, هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, est-ce qu'il est permis de faire des attentats suicides, qu'est-ce qu'ils appellent les attentats kamikazes, hein? Et est-ce qu'il y a des conditions pour que cet acte soit correct ou valable? Et le Cheikh Al-Fawzan a répondu en disant, Al-Jawab, Allahu Jalla wa Ala yaqul, ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا يشمل قتل الإنسان نفسه وقتله لغيره بغير حق فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد هذا طيب أما أنه يتعمد قتل نفسه في العمليات الانتحارية هذا لا يجوز وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه قتل ثم إنه قتل ثم إنه يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه قتل فقال الناس يثنون عليه ما أبلى منا أحد ما أبلى فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هذا قبل أن يموت فصعب ذلك على الصحابة كيف مثل هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك من الكفار أحدا إلا تبعه وقتله يكون في النار فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح في النهاية ثم في النهاية رآه وضع مقبض الصيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى ثم تحامل على السيف ودخل من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى لماذا دخل النار مع هذا العمل لأنه تعمد قتل نفسه ولم يصبر فلا يجوز للإنسان أنه يقتل نفسه ثم إنه Donc il y a une partie ici que, où j'étais confus un peu, mais je connais le hadith parce que c'est un hadith assez connu aussi, on le mentionne souvent. En fait, c'est la question qui a été posée au Cheikh à propos des attentats terroristes et des attentats suicides en particulier. Et le Cheikh il a répondu que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 29 à 30 dans Surah An-Nisa, et ne vous tuez pas vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux pour vous. Et celui qui fait ça, c'est-à-dire qui se tue lui-même, par transgression et injustement, alors nous le brûlerons dans l'enfer. Le verset 29 et 30 dans Surat An-Nisa, 29 et 30, dans Surat An-Nisa, les femmes. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا Et ça c'est une chose facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, il dit ici, ça implique et ça comprend également de tuer soi-même ou de tuer quelqu'un d'autre injustement. Donc il n'est pas permis pour quelqu'un de se tuer lui-même, il doit préserver sa vie, hein, le plus possible, faire tous les efforts possibles pour se préserver sa vie. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il doit également lutter dans le chemin d'Allah et combattre dans le chemin d'Allah. Puis, si jamais il est mis en face de la mort ou bien qu'il est martyr, ça c'est quelque chose de bien. Mais de faire exprès pour se tuer lui-même dans des attentats terroristes, ça n'est pas permis. Et c'est quelque chose d'interdit. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans certaines batailles, il y avait des combattants qui étaient très courageux et qui combattaient dans la bataille, dans le chemin d'Allah, avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un en particulier qui était très courageux et qui combattait, et les gens faisaient des éloges à son sujet. Ils disaient à lui, c'est quelqu'un qui est très fort. Chaque fois qu'il se met devant un kafir pour combattre contre lui, il le tue dans le combat. Donc il faisait ses éloges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, il est dans l'enfer. Alors, les sahabas étaient étonnés. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait dire à son sujet qu'il était dans l'enfer, alors que c'était un homme qui était courageux et qui ne laissait aucun des kuffars accepter qu'il le frappait de son épée. Donc, comment il pourrait être, lui, dans l'enfer? Alors, quand les sahabas ont entendu ça, il y en a un d'entre les sahabas, il a voulu en avoir le cœur net, comme on dit. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a suivi. Il l'a suivi dans la bataille. Et chaque fois qu'il allait quelque part, il le surveillait et il regardait qu'est-ce qu'il faisait durant le combat. Jusqu'à ce que cet homme se fasse blesser. À la fin de la bataille, il s'est fait blesser et il s'est écarté donc un peu, puis il a pris son épée, il a mis le manche de l'épée par terre, puis la pointe de l'épée sur sa poitrine, puis il s'est laissé tomber sur la lame de son épée, sur la pointe de son épée. Et ça a traversé son cœur, puis c'est passé par son dos par la suite. Donc il s'est tué lui-même parce qu'il a été blessé, et ça lui faisait tellement mal, il ne pouvait pas supporter, alors il s'est suicidé. Et donc, quand le sahabi a vu ça, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit vrai. Et il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, qu'il a vu cet homme et il l'avait suivi, et voilà ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Et donc, les sahaba, ils savaient que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas selon sa passion. Toutefois, ils voulaient comme si avoir la certitude, et être convaincus. Donc il l'a suivi, il voulait savoir pourquoi cet homme-là allait aller en enfer, qu'est-ce qui faisait qu'il mériterait d'aller en enfer. Et donc, quand il a fait exprès pour vouloir se tuer lui-même, et qu'il n'a pas été patient, alors il s'est tué. Et donc, ça c'est une preuve qui n'est pas permis à quelqu'un de se tuer lui-même. Et ensuite, il y a une autre question. D'accord, on va lire cette question-là, puis après on va commencer le dars, inshallah. Le Cheikh il dit, as-su'al, hal at-tafjirat wal-amaliyat al-intihariya wasilatun min wasa'il al-da'wa. Subhanallah. Est-ce que les attentats à la bombe et les attentats suicides, est-ce que ça c'est un moyen parmi les moyens pour faire la da'wa, pour propager l'islam? Imaginez quelqu'un qui pourrait penser que ça pourrait être un moyen. Yani déjà, la question en elle-même, elle est étrange. Et la réponse du Cheikh, il dit, الجواب هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال يجب أن يدعوا إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم بحاجة للدعوة فكيف يدعون الناس وهم يقومون بالتفجير والتخريب هذه ليست بدعوة هذا تنفير والعياذ بالله وتخريب. Donc le Cheikh il dit, ceux qui font ces actions là, c'est eux qui nécessitent et c'est eux qu'il est obligatoire d'appeler et d'inviter à suivre le Coran et la Sunna. Donc eux ils ont besoin de da'wa eux-mêmes. Donc si eux ils ont besoin de da'wa, alors comment ils pourraient eux vouloir faire la da'wa aux autres? Et comment ils pourraient vouloir faire la da'wa en faisant des explosions et en détruisant les choses? Donc ça c'est pas une da'wa. Ça au contraire c'est quelque chose qui fait fuir les gens, et c'est de la destruction. D'accord? Donc, après le Cheikh dit, وَهَلْ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَعَ بِهَذَا يَوْمَ أَنْ كَانَ فِي مَكَّةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ هَلْ كَانُوا يُخْرِبُونَ حَاشَ وَكَلَّا بَلْ كَانَ يَدْعُو إِلَى رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْجِدَالِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ويطلب من الناس أن يؤيدوه ويساعدوه بدون أن يعمل معهم أعمالا تخريبيا لأن هذا يضر بالمسلمين أكثر ويفرح الكفار وهذا لا يجوز أبدا ولا يسوغ وهو وسيلة دعوة إلى الشيطان ودعوة إلى النار. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة إلى الجنة. Ça, il a cité la fin du verset. Après il dit الدعوة قد تكون إلى النار والعياذ بالله إذا دعا إلى الضلال إذا دعا إلى ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فالدعوة قد تكون إلى ضلال وما تكون إلى حق. Donc le Cheikh il répond, il dit, est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم quand il était à Mecca, Hein? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wa de cette manière? Est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, il a fait la da'wa en détruisant les maisons des gens, et en cassant les choses, et en faisant des destructions? Hein? Non, certes, il n'a jamais fait ça. Au contraire, il appelait à son Seigneur par la sagesse, et par la bonne exhortation, et par le dialogue et la discussion de la meilleure manière. Et il appelait les gens et il demandait aux gens de l'aider et de le supporter et de le défendre dans sa mission. Sans faire de ses actes de destruction et de cassage, ainsi de suite. Parce que ça ramène plus de mal aux musulmans. Et ça réjouit les koufars. Et donc, pour cette raison-là, ce n'est pas permis. Et c'est pas acceptable. Et c'est un moyen d'invitation au shaitan. C'est un moyen d'appeler au shaitan et de faire la da'wa à l'enfer et au feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, comme le verset 41, dans surat al-Qasas, il dit, et nous avons fait d'eux des guides ou des imams qui invitent à l'enfer. Donc ces gens-là qui font ces attentats-là, ce sont des gens qui appellent à l'enfer. Et il dit également, verset 221, dans surat al-Baqarah, ceux-là appellent ou invitent à l'enfer, tandis qu'Allah invite au paradis. Donc, la da'wa, ça peut être également à l'enfer. Il y a des gens qui font la da'wa à l'enfer, wal'iyadu billah. Hein? Et lorsque quelqu'un donc appelle à l'enfer, c'est évident, il appelle à l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim selon Abi Huraira, il dit, celui qui appelle à un égarement, il aura son péché et le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché-là, sans que cela ne diminue rien de leur péché. Donc, donc le cheikh, il dit que la da'wa, ça peut être vers l'égarement. Comme ça peut être pour la vérité, quelqu'un aussi peut faire la da'wa parfois à l'égarement et il n'appelle pas à la vérité. Oui, c'est ça. C'est bien compris. C'est que cette personne, elle invite les gens à l'enfer par ses actions, par ses paroles. Hein? Donc, c'est ça. Et on va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui et on lira les autres fatwas à ce sujet-là dans les cours précédents, dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.